Section 24 de Compilation de pensées, textes et poésies de François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Ode, les malheurs de la Révolution. Paris, 1812. Sors des demeures souterraines, Néron des humains le fléau, que le triste bruit de nos chaînes te réveille au fond du tombeau. Tout est plein de troubles et d'alarmes. Notre sang coule avec nos larmes. Ramper est la première loi. Nous traînons d'ignobles entraves. On ne voit plus que des esclaves. Viens, le monde est digne de toi. Ils sont dévastés dans nos temples, les monuments sacrés des rois. Mon œil effrayé les contemple. Je tremble et je pleure à la fois. Tandis qu'une fosse commune des grandeurs et de la fortune reçoit les funèbres lambeaux, un spectre à la voix menaçante a percé la tombe récente qui dévora les vieux tombeaux. Sa main d'une pique est armée, un bonnet cache son orgueil. Par la mort sa vue est charmée, il cherche un tyran au cercueil. Courbé sur la poudre insensible, il saisit un sceptre terrible qui d'Ulysse a flétri la fleur, et d'une couronne gothique, chargeant son bonnet anarchique, il se fait roi de la douleur. Voilà le fantôme suprême, français, qui va régner sur vous. Du républicain diadème, portez le poids léger et doux. L'anarchie et le despotisme, au vil autel de l'athéisme, serrent un nœud ensanglanté. Et, s'embrassant dans l'ombre impure, ils jouissent de la torture de leur double stérilité. L'échafaud, la torche fumante, couvre nos campagnes de deuil. La révolution béante engloutit le fils et l'aïeul. L'adolescent qu'atteint sa rage va mourir au champ du carnage ou dans un hospice exilé. Avant, quand la tombe il s'endorme, sur un appui de chêne où dorme, il traîne un buste mutilé. Ainsi, quand l'affreuse chimère apparut non loin d'Ascalon, en vain la tendre et faible mère cacha ses enfants au vallon. Du Jourdain, les roseaux frémirent, au Liban, les cèdres gémirent, les palmiers à Jézéraël, et le chameau, laissé sans guide, pleura dans les sables arides avec les femmes d'Ismaël. Napoléon, de son génie, enfin écrase les pervers, l'ordre renaît. La France unie reprend son rang dans l'univers. Mais, géant, fils aîné de l'homme, faut-il d'un trône qu'on te nomme, usurpateur, mal fécondé, l'illustre champ de ta victoire, devait-il renier la gloire du vieux Cid et du grand Condé? Racontez, nymphe de Vincennes, racontez des faits inouïs, vous qui présidiez sous un chêne à la justice de Louis. Oh, de la mort chantre sublime, toi qui d'un héros magnanime rends plus grand le grand souvenir, quel cri aurais-tu fait entendre si, quand tu pleurais sur sa cendre, ton œil eût sondé l'avenir. Le vieillard roi dont la clé sainte de Rome garde les débris n'a pu, dans l'éternelle enceinte, à son front trouver des abris. On peut charger ses mains débiles de fers ingrats, mais inutiles. Car il reste au juste nouveau la force de sa croix divine et de sa couronne d'épines et de son sceptre de roseau. Triomphateur, notre souffrance se fatigue de tes lauriers. Loin du doux soleil de la France, devais-tu laisser nos guerriers. La Duna que tourmente Éole, au Neptune inconnu du pôle, roule leurs ossements blanchis, tandis que le noir Borysthène va compter le deuil de la Seine aux mers brillantes de Colchis. À l'avenir, ton âme aspire, avide encore du passé. Tu veux, main fils, du temps, l'Empire, par l'aigle sera traversé. Mais, Napoléon, ta mémoire ne se montrera dans l'histoire que sous le voile de nos pleurs. Lorsqu'à t'admirer, tu m'entraînes, la liberté me dit ses chaînes. La vertu m'apprend ses douleurs. Fin de la section 24.